fondation du monastère des Carmélites de Villeneuve-de-la-Gouzard. Chapitre 27. Persécution faite au père Carme déchaussé par ceux de l'observance mitigée, soutenue par le nonce apostolique, et qui ne cessèrent qu'après que le roi Philippe lui donné à ce nonce quatre assesseurs, très gens de bien, pour juger cette affaire. La sainte entreprend, par l'ordre de Dieu, de fonder un monastère de Carmélite à Villeneuve-de-la-Gouzard, où neuf demoiselles y vivaient en communauté d'une manière admirable, et souhaitaient avec ardeur d'être carmélites. La sainte ayant passé pour y aller par un monastère fondé par sainte Catherine de Cardone, elle parle fort au long de la vie et des vertus de cette grande sainte. Après que la fondation de Séville fut achevée, on demeura plus de 4 ans sans en faire d'autre, à cause des grandes persécutions qui s'élevèrent tout à coup contre les Carmes déchaussés et les Carmélites. Il y en avait eu d'autres auparavant, mais non pas si rudes que celles-ci, qui pensèrent tout renverser. Le diable fit voir combien de si saints commencements lui étaient insupportables, et Dieu fit connaître que c'était son ouvrage, en le conduisant à sa perfection, malgré les efforts de cet ennemi de toutes les bonnes œuvres. Les pères Carmes déchaussés, et particulièrement les supérieurs, eurent beaucoup à souffrir par l'opposition des pères Carmes mitigés, et les témoignages si désavantageux, que presque tous ces pères leur rendirent auprès du révérendissime père général. Car encore que ce soit un fort saint religieux, et que tous ces nouveaux monastères de Carmes déchaussés n'eussent été fondés que par sa permission, excepté celui de Saint Joseph d'Avila, pour lequel le pape l'avait lui-même donné. Ils lui représentèrent tant de choses, et le prévinrent de telle sorte, qu'il ne voulait pas qu'on en fondât davantage, et ils l'indisposèrent aussi contre moi, sur ce que j'avais contribué à ceux qui étaient déjà établis. Mais pour ce qui est des nouveaux monastères de religieuses, il leur a toujours été favorable. La peine que je souffris peut passer pour la plus sensible de toutes celles que j'ai éprouvées dans ces fondations, quoique j'en ai eu de très grandes, à cause que, d'un côté, je ne pouvais me résoudre d'abandonner une entreprise que je voyais clairement regarder la gloire de Dieu et l'avantage de notre ordre, et que mes confesseurs, qui étaient des personnes très capables, me conseillaient de poursuivre, et que, d'autre part, ce m'était une mortelle douleur de ne pas déférer à la volonté de mon supérieur, parce que, outre l'obligation que j'avais de le contenter, je l'aimais extrêmement et lui étais fort obligé. Mais quelque désir que j'eusse de le satisfaire, je ne le pouvais, à cause que nous avions des visiteurs apostoliques à qui nous étions contraints d'obéir. Un nonce du pape, qui était un homme fort saint, et qui, par son affection pour la vertu, estimait beaucoup les Carmes déchaussés, mourut alors, et Dieu permit, pour exercer ses religieux, que celui qui lui succéda, et qui était un peu parent du pape, leur fut très contraire. Je veux croire qu'il était homme de bien, mais se trouvant disposé à favoriser en toutes choses les pères de l'observance mitigée, et se laissant persuader de ce qu'il lui disait contre les réformés, il se met dans l'esprit qu'il devait les empêcher de se multiplier davantage, et commença d'agir contre eux avec une rigueur si extrême, qu'il condamnait au bannissement et à la prison ceux qu'il croyait pouvoir s'opposer à son dessein. Le père Antoine de Jésus, qui avait le premier commencé la réforme, le père Jérôme Gratien, que le nonce précédent avait établi visiteur apostolique des mitigés, contre lequel ce nouveau nonce était principalement aigri, et le père Marian de Saint-Benoît, desquels j'ai parlé dans les fondations précédentes, furent ceux qui souffrirent le plus. Il imposa des pénitences rigoureuses à d'autres très bons religieux, et défendit particulièrement à ceux-ci, sous de grandes peines, de ne plus se mêler d'aucune affaire, en quoi il était facile de juger que Dieu ne permettait cet orage que pour faire mieux connaître la vertu de ces excellents religieux, comme la suite le fit voir. Ce même nom s'établit pour visiteur de nos monastères, tant de religieux que de religieuses, un père de l'observance mitigée, ce qui nous aurait extrêmement fait souffrir, si les choses eussent été comme il se l'imaginait, et ne laissa pas de nous faire beaucoup endurer, ainsi qu'on pourra l'apprendre par ce qu'en écriront ceux qui le pourront mieux rapporter que moi. Je me contente de le toucher seulement en passant, afin de faire voir à celles qui nous succéderont combien elles sont obligées d'aspirer de plus en plus à la perfection, puisqu'elles n'auront qu'à marcher dans un chemin que celles qui les ont précédées ont eu tant de peine à leur aplanir. On disait contre quelques-unes d'elles mille choses fausses, dont j'étais extrêmement touché, et quant à celles que l'on publiait contre moi, j'en avais au contraire de la joie, parce que me considérant comme la cause de cette tempête, j'aurais souhaité que l'on m'eût jeté dans la mer, ainsi que Jonas, afin de la faire cesser. Mais Dieu soit loué à jamais d'avoir protégé la justice. Le roi d'homme Philippe ayant été informé de la piété et de la manière de vivre des Carmes déchaussés, conçut de l'affection pour eux. Ainsi il ne voulut pas que le nonce fût le seul juge de cette affaire. Il lui donna quatre assesseurs, tout grands personnages, et dont trois étaient religieux. L'un d'eux se nommait le père Pierre Fernandez, homme de très grand esprit, très savant, et d'une force sainte vie. Comme il avait été visiteur, tant des pères de l'observance mitigée de la province de Castille que des Carmes déchaussés, il était très informé de la manière de vivre des uns et des autres, ce qu'il nous importait de tout qu'il fût bien connu. Ainsi, lorsque je sus que Sa Majesté l'avait choisi, je crus notre affaire terminée, comme elle est par la grâce de Dieu. Je souhaite que ce soit pour son honneur et pour sa gloire. Il est certain qu'encore que plusieurs évêques et des plus grands seigneurs du royaume s'employassent avec chaleur pour informer ce nonce de la vérité, leurs efforts auraient été inutiles, si Dieu n'eût permis que le roi lui-même eût pris connaissance de l'affaire. Quelle obligation n'avons-nous donc point, mes sœurs, de prier extrêmement Dieu pour ce grand prince, et pour ceux qui ont favorisé avec lui la cause de notre Seigneur et de la très sainte Vierge sa mère, et je ne saurais trop vous le recommander, puisque vous voyez qu'autrement il aurait été impossible de continuer ses fondations, en quoi tout ce que nous pouvions contribuer, était de demander à Dieu, par des prières et des pénitences continuelles, qu'il eût plu que cette nouvelle réforme non seulement subsista, mais fit un plus grand progrès, s'il le juge être de son service. Comme je ne vous ai parlé qu'en passant de tant de travaux qu'on eut à souffrir, ils vous paraîtront peut-être peu considérables. Je vous assure néanmoins qu'ils furent fort grands et fort longs. Lorsqu'en l'année 1576, j'étais à Tolède, après être revenu de la fondation de Séville, un ecclésiastique de Villeneuve de la Xar m'apporta des lettres du conseil de ce lieu-là, avec ordre de tâcher de me porter à y fonder un monastère, et à y recevoir 9 filles qui s'étaient retirées, il y avait déjà quelques années, dans un ermitage de Sainte-Anne du même lieu. Elles vivaient en communauté dans une si grande retraite et une si grande perfection, que toute la ville, admirant leurs vertus, les voulait assister dans leur désir d'être religieuses, et un curé de ce lieu, nommé Augustin Hervia, fort savant et fort homme de bien, touché du même sentiment, m'écrivit aussi en leur faveur. Je crus ne pouvoir entrer dans cette proposition pour 4 raisons. La première, qu'il était difficile que ce grand nombre de filles puissent s'accommoder à notre manière de vivre, après en avoir pratiqué une autre. La seconde, qu'elle n'avait pas, à beaucoup près, de quoi subsister, et qu'encore que la ville promit de les nourrir, cela ne me paraissait pas pouvoir continuer et suffire pour vivre d'aumône, dans un lieu qui n'était guère de plus de 1000 feux. La troisième, qu'elle n'avait point de maison. La quatrième, que ce lieu était fort éloigné de nos monastères, et de plus, que ne les ayant jamais vus, je ne pouvais, quoi que l'on me dit de leurs vertus, m'assurer qu'elles eussent toutes les qualités nécessaires pour embrasser une vie semblable à la nôtre. Ainsi j'étais résolu à un refus, mais comme je ne fais rien sans le conseil de personnes savantes et vertueuses, je voulus en parler au docteur Valasquet, mon confesseur, alors chanoine et théologal de Tolède, et maintenant évêque d'Osme, homme de grande capacité et piété. Après qu'il eut lu les lettres et été informé de l'affaire, il me dit que je devais rendre une réponse favorable, à cause que lorsque Dieu nie ainsi dans un même dessein tant de personnes vertueuses, c'est une marque qu'il y va de son service. Je lui obéis et renvoyai celui qui m'avait été dépêché, sans lui donner un entier refus. On continua ensuite à tant me presser, et on employa tant de personnes pour m'engager dans cette fondation, que cela dura jusqu'en l'an 1580, parce que, d'un côté, il me semblait toujours qu'il n'y avait point d'apparence de s'y résoudre, et que, de l'autre, mes réponses n'étaient pas si mauvaises qu'elles ne leur laissassent quelque espérance. Il arriva que le père Antoine de Jésus se retira, durant le temps qui restait de son exil, dans le monastère de Notre-Dame du Secours, distant de 3 lieues de Villeneuve. Ainsi, il y allait quelquefois prêcher, et le père Gabriel de l'Assomption, prieur de ce monastère, qui est un homme fort sage et de grande piété, l'y accompagnait. Comme ils étaient tous deux amis du docteur Hervia, ils eurent par lui la connaissance de ses saintes filles, et furent si touchés de leur vertu et des instances que ce docteur et toute la ville faisaient en leur faveur, qu'ils embrassèrent cette affaire comme si elle eût été la leur propre, et il n'y eut rien qu'ils ne fissent par leurs lettres pour tâcher à me persuader d'y entendre. J'étais alors dans le monastère de Saint-Joseph de Malagon, éloigné de plus de 26 lieues de Villeneuve, et ce père prieur vint me trouver sur ce sujet. Il m'assura, entre autres choses, que lorsque l'établissement serait fait, le docteur Hervia donnerait à cette maison 300 ducats de rente, à prendre sur son bénéfice, aussitôt que l'on en aurait obtenu la permission de Rome. Si c'eût été une chose pressante, j'aurais cru que cela, joint avec le peu qu'avaient ses filles, suffirait pour leur subsistance, mais ne devant se faire qu'après la fondation, je n'y trouvais pas assez de sûreté. Ainsi, pour m'en excuser, je représentai au père prieur diverses raisons qui me paraissaient très fortes, le priai de bien considérer l'affaire avec le père Antoine de Jésus, et lui dis que je la remettais sur leur conscience, et ne croyais pas qu'elle dût se faire. Après qu'il fut parti, considérant combien il avait cette affaire à cœur, et qu'il ne manquerait pas sans doute de faire tous ses efforts pour persuader au père Ange de Salazar, maintenant notre supérieur, d'approuver ce dessein. J'écrivis alors même à ce dernier pour le prévenir et le prier de ne point donner cette permission. Je lui en représentai les raisons, et il m'amendait depuis qu'il ne l'aurait jamais accordé sans savoir si je l'approuvais. 6 semaines après, ou environ, lorsque je croyais l'affaire rompue, je reçus des lettres du conseil de Villeneuve, par lesquelles ils s'obligeaient à donner tout ce qui serait nécessaire pour la subsistance de ce monastère. Ces lettres étaient accompagnées de celles du docteur Hervia qui confirmait la promesse qu'il avait faite, et d'autres lettres des deux pères dont j'ai parlé, qui continuaient de me représenter avec beaucoup de force combien cette œuvre serait agréable à Dieu. J'appréhendais néanmoins de recevoir ce grand nombre de religieuses qui pourraient, comme il arrive souvent, se liguer ensemble contre celles que je leur joindrais, que ne trouvant pas d'ailleurs ce qu'on offrait pour la subsistance de cette maison assez assurée, je ne pouvais me déterminer. J'ai reconnu depuis que c'était le démon qui m'abattait ainsi le courage, et me faisait perdre, par ses artifices, presque toute la confiance que j'avais en Dieu. Mais les prières de ces vertueuses fit triompher enfin de la malice de cet ennemi de notre salut. Comme dans l'extrême désir que j'ai toujours de voir augmenter le nombre de ceux qui louent et qui servent Dieu, et que la crainte d'empêcher l'avancement de quelques âmes avait été la cause des réponses favorables que j'avais rendues touchant cette affaire, je ne cessais point de la recommander à notre Seigneur, et un jour, après avoir communié, il me demanda d'une manière fort sévère avec quel trésor j'avais donc établi les monastères que j'avais fondés, et ajouta que je ne délibérasse point d'accepter celui-là, qu'il y serait très bien servi, et qu'il serait utile à plusieurs âmes. La force toute puissante de ces paroles d'un Dieu qui ne se font pas seulement entendre à l'esprit, mais qui l'éclaire pour le rendre capable de connaître la vérité, et dispose la volonté à agir conformément à cette connaissance, me toucha si vivement, que je ne délibérai plus à accepter cette maison, et reconnus la faute que j'avais faite d'avoir différé si longtemps par des considérations humaines. Après avoir vu tant d'effets si extraordinaires de la conduite de Dieu dans l'établissement de ces maisons saintes consacrées à son service, ne mettant donc plus en doute d'entreprendre cette fondation, je crus, pour diverses raisons, qu'il était nécessaire d'y mener moi-même les religieuses qui devaient y demeurer, quoique je ne le pusse faire sans beaucoup de peine, parce que j'étais arrivé malade à Malagon, et que je l'étais encore, mais, jugeant qu'il y allait du service de Dieu, j'en écrivis à notre supérieur, afin de savoir sa volonté. Il m'envoya la permission pour cette fondation, et m'ordonna de l'aller faire, et de mener avec moi telle religieuse que je voudrais. Ce choix ne me mit pas peu en peine, à cause qu'il faudrait qu'elle demeurasse avec ce grand nombre de filles que je m'engageais de recevoir. Après avoir extrêmement recommandé l'affaire à Dieu, je tirai du monastère de Saint-Joseph de Tolède une religieuse pour être prieure, et deux de celui de Malagon, dont l'une serait sous-prieure. Comme on avait beaucoup prié pour ce sujet, ce choix réussit très bien, et je l'attribue à une faveur particulière de Dieu. Car quant aux fondations où il n'y a que nos religieuses qui les commencent sans se mêler avec d'autres, elles ne sont pas sujettes à rencontrer de grandes difficultés. Le père Antoine de Jésus et le père Gabriel de l'Assomption, ce bon prieur, nous vinrent chercher avec les ordres que la ville avait donnés pour notre établissement, et nous partîmes de Malagon le 13e jour de février 1580, un samedi avant le carême. Je ne pus voir sans étonnement qu'étant auparavant si malade, je me trouvais dans un moment en un tel état, que je ne me souvenais plus de l'avoir été. On voit par là combien il importe, lorsque Dieu demande quelque chose de nous, de ne point considérer nos infirmités ni les obstacles qui s'y rencontrent, puisqu'il peut, quand il lui plaît, changer la faiblesse en force et la maladie en santé, et que s'il ne le fait pas, c'est qu'il juge que la souffrance nous est plus avantageuse. Car à quoi notre santé et notre vie peuvent-elles être mieux employées qu'à les sacrifier pour le service d'un si grand roi? Et ne devons-nous pas nous oublier nous-mêmes, quand il s'agit de son honneur et de sa gloire? N'appréhendez donc point, mes sœurs, de pouvoir jamais vous égarer en marchant par ce chemin. J'avoue que ma lâcheté et ma faiblesse m'ont souvent fait douter et craindre, mais il ne me souvient pas que, depuis que je suis carmélite, et même quelques années auparavant, notre Seigneur nommé, par sa miséricorde, fait la grâce de surmonter ses tentations pour embrasser ceux qui regardaient son service, quelques difficultés qui s'y rencontrassent, car, encore que je connusse clairement que ce que je pouvais y contribuer n'était rien, et que lui seul faisait tout, je trouvais ma satisfaction dans l'assurance qu'il ne demande de nous qu'une ferme résolution de vouloir absolument tout ce qu'il veut, qu'il soit béni à jamais. Ainsi soit-il, notre chemin se rencontrant par le monastère de Notre-Dame du Secours, dont j'ai parlé, nous devions nous y arrêter pour donner avis de notre arrivée à Villeneuve, qui n'en est éloignée que de 3 lieues. Et cela avait été ainsi résolu par ses pères qui nous conduisaient, et à qui nous étions obligés d'obéir. Ce monastère est assis dans un désert assez agréable. Les religieux vinrent en bon ordre au devant de leurs prieurs, et comme ils étaient pieds nus avec de pauvres manteaux de gros drap, ils nous donnèrent à tous de la dévotion. Pour moi j'en fus fort attendri, m'imaginant de revoir ce temps bienheureux de nos saints pères. Je les considérais en cette solitude comme des fleurs odoriférantes dont la blancheur est une marque de leur pureté, et je les crois telles devant Dieu, parce que je suis persuadé qu'ils le servent très fidèlement. Ils entrèrent dans l'église en chantant le Te Deum d'un ton qui témoignait assez combien ils étaient mortifiés. Cette entrée est sous terre, comme celle d'une caverne, et représente ainsi celle de notre Saint-Père Élie. Tant d'objets de piété me donnaient une telle joie, que quand le chemin que nous avions fait pour venir dans une demeure si dévote aurait été encore beaucoup plus long, le travail m'en aurait paru bien employé. Mais je ne pouvais penser sans douleur que je n'avais pas été digne de trouver encore en vie Sainte Catherine de Cardone, dont Dieu s'était servi pour fonder ce monastère, quoique juste en souhaiter de la voir. Je crois qu'il ne sera pas mal à propos de rapporter ici quelque chose de sa vie, et des moyens dont j'ai appris que Dieu s'est servi par elle pour fonder cette maison, qui a été si utile à plusieurs âmes des lieux d'alentour, afin, mes sœurs, que voyant quelle a été la pénitence de cette sainte, et combien nous sommes éloignés de lui ressembler, nous fassions de nouveaux efforts pour plaire à Dieu. Car, comment pourrions-nous nous excuser de faire moins qu'elle, puisque la grandeur de sa naissance qu'elle tirait des ducs de Cardone, et qui lui donnait tant d'avantages sur nous, l'avait fait élever d'une manière plus délicate que nous ne l'avons été, ayant reçu quelques lettres d'elle, j'y ai remarqué qu'au lieu de signer son nom propre, elle signait seulement la pécheresse. D'autres écriront les particularités de sa vie, avant et depuis que Dieu lui eut fait tant de grâce. Je me contenterai de rapporter ce que j'en ai appris de plusieurs personnes dignes de foi, qui avaient fort conversé avec elle. Dès le temps que cette sainte fille vivait dans le monde avec des personnes de sa qualité, elle veillait très soigneusement sur elle-même, faisait beaucoup d'austérité, et désirait toujours de plus en plus de se retirer en quelque lieu solitaire, pour ne s'occuper que de Dieu seul et à des actions de pénitence, sans qu'on pût l'en détourner. Elle le disait à ses confesseurs, et ils ne l'approuvaient pas, considérant cette pensée comme une folie, parce que le monde est si plein de discrétion, qu'à peine se souvient, ont des faveurs si extraordinaires que Dieu a faites aux saints et aux saintes, qui ont tout abandonné pour aller le servir dans les déserts. Mais comme il ne manque jamais de favoriser les véritables désirs qu'on a de lui plaire, il permit que cette bienheureuse fille se confessa à un religieux de Saint François, nommé le Père François de Thoré. Je l'ai connu particulièrement, et le regarde comme un saint. Il y a déjà plusieurs années qu'il est très fervent dans l'oraison et dans la pénitence, qu'il souffre une grande persécution, et qu'il sait quelles sont les grâces que Dieu fait à ceux qui s'efforcent de s'en rendre dignes. Ainsi il dit à cette dame, qu'au lieu de perdre courage, elle devait répondre à la vocation de Dieu. Je ne sais si ce furent ses propres paroles, mais on en vit bientôt l'effet par la résolution qu'elle prit. Elle découvrit son dessein à un ermite d'Alcala, le pria de l'accompagner pour l'exécuter, et le conjura de lui garder un secret inviolable. Ils s'en allèrent ensemble au lieu où est maintenant bâti ce monastère, et ayant trouvé une caverne si petite, que cette grande servante de Dieu pouvait à peine y tenir, ce bon ermite l'y laissa et s'en retourna. Quel devait être, mon sauveur, l'amour dont cette grande âme brûlait pour vous, puisqu'il lui faisait ainsi oublier le soin de sa nourriture, les périls où elle s'exposait, et le hasard où elle mettait sa réputation. Lorsque l'on ne saurait ce qu'elle serait devenue, quelle devait être cette sainte ivresse, qui par l'appréhension de rencontrer quelque obstacle qui l'empêcha de jouir sans cesse de la présence de son divin époux, lui faisait ainsi renoncer pour jamais à tous les biens, à tous les plaisirs, et à tous les honneurs du monde. Considérez attentivement, mes sœurs, je vous prie, de quelle sorte cette pure et chaste colombe s'éleva dans un moment au-dessus de toutes les créatures. Car, encore que nous ayons fait la même chose en entrant en religion, et offert à Dieu notre liberté en faisant vœu d'une perpétuelle clôture, je ne sais si nous ne trouvons point dans quelque rencontre, que notre amour propre est toujours le maître. Je prie Dieu de nous préserver de ce malheur, et que nous faisons la grâce d'imiter cette sainte, en renonçant comme elle à tout ce qui est du siècle, il lui plaise d'en détacher entièrement notre cœur. J'ai entendu dire des choses extraordinaires de ces austérités, quoique l'on ait sans doute connaissance que des moindres, puisqu'ayant passé tant d'années en cette solitude dans un si ardent désir de faire pénitence, et sans que personne pût modérer sa ferveur, il y a sujet de croire qu'elle traitait son corps d'une terrible manière. J'en rapporterai ce que des personnes croyables ont appris de sa propre bouche, et ce qu'elle en dit à nos sœurs de Saint-Joseph de Tolède, lorsque les considérant comme si elles eussent été les siennes, elle leur parla, dans la visite qu'elle leur fit, avec cette sincérité et cette ouverture de cœur qui lui était naturelle. À quoi je dois ajouter que cette profonde humilité qui lui faisait connaître qu'elle ne pouvait rien par elle-même, la rendait si incapable de vanité, qu'il ne prenait plaisir à raconter les grâces qu'elle recevait de Dieu, qu'afin qu'on en rapporte à lui seul toute la gloire. Une manière d'agir si franche pourrait être périlleuse à des âmes qui ne seraient pas arrivées à un aussi haut degré de perfection que cette sainte, parce qu'il se mêlerait peut-être, parmi ces louanges que l'on donnerait à Dieu, quelques sentiments d'amour propre. Mais je ne doute point que la simplicité avec laquelle cette bienheureuse fille agissait, ne l'ait exemptée de ce défaut, et je n'ai jamais ouï dire qu'on l'en ait blâmée. Elle raconta donc à nos sœurs, qu'après avoir mangé 3 pains que l'ermite qui la conduisit dans cette caverne lui avait laissés, elle y passa plus de 8 ans sans autre nourriture que des herbes et des racines qui croissaient dans ce désert. Qu'ensuite un petit berger qui la rencontra, lui apportait du pain et de la farine, dont elle faisait de petits tourteaux qu'elle mangeait de 3 en 3 jours. Une preuve de cette vérité est que des religieux, qui étaient présents lorsqu'elle fonda ce monastère, assurent qu'elle avait tellement perdu le goût, que s'il arrivait qu'on l'obligeât à manger quelques sardines ou quelque autre chose, elle lui faisait plutôt du mal que du bien. Pour ce qui est du vin, elle n'en but jamais que je sache. Les disciplines qu'elle se donnait avec une grande chaîne, duraient souvent 1 heure et demie et quelquefois 2 heures. Et Cécilie c'était si rude, qu'une femme m'a dit, que revenant avec elle d'un pèlerinage, et ayant la nuit fait semblant de dormir, elle lui vit ôter et nettoyer son cilice qui était tout plein de sang. Mais ce qu'elle souffrait de la part des démons était encore beaucoup plus pénible. Car elle dit à nos sœurs qu'il lui apparaissait comme de grands dogues qui lui sautaient sur les épaules, ou comme des couleuvres, sans que, quelque tourment qui lui fisse, elle en eût peur. Après même avoir fondé le monastère, elle ne laissait pas de coucher dans sa caverne, excepté quand elle allait au divin office. Auparavant qu'il fût bâti, elle entendait la messe aux religieux de la Merci, à 1/4 lieue de là, et faisait quelquefois ce chemin à genoux. Son vêtement, que l'on aurait pris pour celui d'un homme, était de bure, et sa tunique de gros drap. Quand elle eut passé quelques années dans une si étrange solitude, Dieu permit que le bruit de ses vertus se répandît, et l'on commença d'avoir tant de vénération pour elle, qu'il ne pouvait éviter qu'un très grand nombre de gens la vinssent voir. Ceux qui lui pouvaient parler s'estimaient heureux, et cela augmentant toujours, elle en était si lasse et si ennuyée, qu'elle disait qu'il la faisait mourir. Presque aussitôt que le monastère fut bâti, il y avait des jours que la campagne était couverte de chariots, et ses religieux ne trouvaient autre moyen pour la soulager, que de la faire monter sur un lieu élevé, d'où elle priait Dieu de bénir ce peuple, et s'en délivrer ainsi. Ensuite des 8 années qu'elle avait passées dans cette caverne, que ceux qui y allaient avaient accru, elle tomba dans une si grande maladie, qu'il n'y avait point d'apparence qu'elle en revînt, sans que néanmoins elle pût se résoudre à sortir d'une si affreuse demeure. Elle commença alors à être touchée d'un grand désir de fonder proche de ce lieu un monastère de religieux, mais elle demeura assez longtemps sans savoir de quel ordre elle les choisirait, étant en oraison devant un crucifix qu'elle portait toujours sur elle. Notre Seigneur lui fit voir un manteau blanc, et connaître qu'elle devait choisir l'ordre des carmes déchaussés, dont elle n'avait point entendu parler ni ne savait pas seulement qu'il y en eut dans le monde, et il n'y avait encore que ceux de Mansra et de Pastrane. Elle s'en informa, et avant apprit qu'il y en avait un à Pastrane, dont la ville appartenait à la princesse d'Eboli, femme du prince Rui de Gomé de Silva, son ancienne amie. Elle y alla travailler à exécuter sa résolution. Y étant arrivée, elle prit l'habit de la Sainte Vierge, dans l'église de Saint-Pierre, mais sans dessein de se faire religieuse, n'y ayant jamais eu d'inclination, parce que Dieu la conduisait par une autre voie, et qu'elle appréhendait qu'on ne l'obligeât, par obéissance, à modérer ses austérités et à abandonner sa solitude. Elle prit ce saint habit en présence de tous les religieux, du nombre desquels était le père Marian dont j'ai parlé, et il m'a dit qu'étant entré alors dans un ravissement, il eut une vision en laquelle il lui sembla qu'il voyait plusieurs religieux et religieuses, à qui on avait fait souffrir le martyr, dont les uns avaient eu la tête tranchée, et les autres les jambes et les bras coupés. Et ce n'est pas un homme capable de rien rapporter que de véritable, ni qui soit accoutumé d'avoir des ravissements, notre Seigneur ne le conduisant pas par ce chemin. Priez Dieu, mes sœurs, qu'il nous fasse la grâce de mériter d'être du nombre de ces bienheureux martyrs. Ce fut donc en ce lieu de Pastrane, que cette sainte fille commença à traiter de la fondation de son monastère, et elle alla ensuite pour ce sujet à la cour, qu'elle avait quittée avec tant de joie. Ce ne lui fut pas une petite mortification, parce qu'elle ne sortait pas plus tôt du logis, qu'elle se trouvait environnée d'une grande multitude de gens, dont les uns coupaient des morceaux de son habit, et les autres des morceaux de son manteau. De là elle fut à Tolède, où elle vit nos religieuses, et toutes m'ont assuré qu'il sortait d'elle une odeur si agréable et si grande, qu'il n'y avait pas jusqu'à son habit et à sa ceinture, qu'elles lui ôtèrent pour lui en donner un autre, qui n'en fût parfumé, et que plus on s'approchait d'elle, plus on sentait cette bonne odeur, quoique l'étoffe de ses vêtements et l'extrême chaleur qu'il faisait alors, dussent produire un effet contraire. Cette marque qui paraissait en son corps de la grâce que Dieu répandait dans son âme, leur donna une grande dévotion, et je suis très assuré que ces bonnes filles ne voudraient, pour quoi que ce soit, dire un mensonge. Cette sainte obtint à la cour et ailleurs tout ce qu'elle désirait pour l'établissement de ce monastère, et il fut fondé ensuite de la permission qu'elle en eut. L'église fut bâtie au même lieu où était sa caverne, et on lui en fit une autre assez proche où il y avait un sépulcre. Elle y passait la plus grande partie du jour et de la nuit, durant les 5 ans et demi qu'elle vécut encore. Et l'on a considéré comme une chose surnaturelle, que des austérités aussi extraordinaires qu'étaient les siennes, n'aient pas plus tôt fini ses jours. Elle mourut en l'année 1577, et on l'enterra avec une très grande solennité, un gentilhomme nommé Dom Moine de Léon n'y ayant rien épargné. Son corps est maintenant en dépôt dans une chapelle de la Sainte Vierge, pour qui elle avait tant de dévotion, en attendant que l'on construise une église pour y conserver un si grand trésor. La vénération que l'on a, à cause d'elle, pour ce monastère et pour tous les lieux d'alentour, est si grande, qu'il semble qu'elle ait imprimé des marques de sa sainteté dans cette heureuse solitude, et particulièrement dans cette caverne, où elle a passé tant d'années avant la fondation du monastère. On m'a assuré que cette sainte souffrait avec tant de peine l'incroyable multitude de ceux qui venaient pour la voir, qu'elle voulait s'en aller en quelque autre lieu où elle ne fût connue de personne, et qu'elle fit chercher l'ermite qui l'avait conduite en ce lieu-là, afin qu'il la menât dans un autre. Mais il était déjà mort, et notre Seigneur ne permit pas qu'elle exécutât ce dessein, parce qu'il voulait que l'on consacrât à l'honneur de sa sainte mère, la maison où on le sert aujourd'hui si fidèlement. Il ne faut que voir ces religieux pour connaître quelle est leur joie d'avoir renoncé au monde, et principalement le prieur, qui est passé des délices du siècle dans une vie si pénitente. Dieu les a bien récompensés d'avoir ainsi tout abandonné pour l'amour de lui, en les élevant si fort au-dessus de toutes les choses de la terre. Ils nous reçurent avec beaucoup de charité, et nous donnèrent des ornements pour le monastère que nous allions fonder. Le respect et l'affection que l'on a pour la mémoire de la sainte, faisant qu'on leur en donne beaucoup. Je ne vis rien en ce lieu qui ne m'édifia extrêmement, mais la satisfaction que j'en avais, était mêlée d'une confusion qui me dure encore, lorsque je pense que cette grande sainte, qui a passé sa vie dans une si âpre pénitence, était une fille comme moi, plus délicatement élevée à cause de sa condition. moins pécheresse sans comparaison que je ne suis, et qui n'a pas reçu de notre Seigneur tant de faveurs qu'il m'en a faites en toute manière, dont celle de ne m'avoir pas précipité dans l'enfer, comme mes péchés le méritaient, en est une toute extraordinaire. Ma seule consolation est le désir que j'ai de mieux faire à l'avenir, mais cette consolation est faible, parce que toute ma vie s'est passée dans de semblables désirs, sans y avoir répondu par mes actions. Dieu veuille, s'il lui plaît, m'assister par son infinie miséricorde. J'y ai toujours mis ma confiance, en m'appuyant sur les mérites de son Fils et sur l'intercession de la Sainte Vierge, dont il me fait la grâce de porter l'habit. Après avoir communié dans cette église, j'entrai dans un ravissement, et cette sainte fille, accompagnée de quelques anges, m'apparut d'une manière intellectuelle, telle qu'un corps glorieux. Elle me dit de ne point me lasser de fonder des monastères, et je compris, quoiqu'elle ne me le dit pas, qu'il m'assistait auprès de Dieu. Elle ajouta d'autres choses qui ne peuvent s'écrire, dont je demeurai fort consolé, et avec un grand désir de travailler pour le service de Dieu. Ainsi j'espère de sa bonté et des prières de cette sainte, que je pourrai y réussir en quelque sorte. Vous voyez, mes sœurs, par ce que je viens de rapporter, que les souffrances et les travaux de cette grande servante de Dieu sont finis avec sa vie, mais que la gloire dont elle jouit maintenant ne finira point. Donc, puisque nous pouvons la considérer comme ayant été l'une de nos sœurs, efforçons-nous de l'imiter, et je vous en conjure au nom de notre Seigneur. Ayons, pour nos misérables corps, cette sainte horreur qu'elle avait d'elle-même, et n'y ayant rien ici-bas de permanent, achevons ce qui nous reste à passer de la durée si courte de cette vie, comme elle a achevé la sienne. Nous arrivâmes à Villeneuve de la Gzar le premier dimanche de carême de l'année 1580, le jour de la fête de Saint-Barbatien, et la veille de celle que l'on célèbre en l'honneur de la chaire de Saint-Pierre. Tout le conseil de la ville et le docteur Hervia, accompagné de plusieurs autres, vinrent au devant de nous, et nous allâmes descendre à l'église de la ville, qui est fort éloignée de celle de Sainte-Anne. Je ne pouvais voir, sans en ressentir une grande consolation, avec quelle joie tout ce peuple recevait des religieuses de l'ordre de la Très-Sainte Vierge. Nous entendîmes de loin le son des cloches, et aussitôt que nous fûmes entrés dans l'église, on chanta le Te Deum en musique et au son des orgues. On mit le Très-Saint Sacrement sur une machine faite pour ce sujet, et l'image de la Vierge sur une autre moindre. La procession, précédée par plusieurs croix et bannières, commença de marcher avec grande pompe, et nous étions proches du Saint-Sacrement avec nos voiles baissées et nos manteaux blancs. Les carmes déchaussés, qui étaient venus en bon nombre de leur monastère, étaient près de nous. Les religieux de Saint-François du couvent de la ville y assistèrent, et il s'y rencontra un père dominicain, dont je fus fort aise, quoiqu'il fût seul. Comme l'église d'où nous partions, et celle où nous allions, étaient assez éloignées l'une de l'autre, on avait dressé plusieurs reposoirs sur le chemin. On s'y arrêtait, et l'on y récitait des vers sur le sujet de notre ordre qui me donnaient beaucoup de consolation, parce qu'ils étaient pleins des louanges de ce Dieu Tout-Puissant qui nous honorait de sa présence, et pour l'amour duquel on faisait tant de cas de cette pauvre carmélite que nous étions. Mais en même temps, ce m'était une grande confusion de me voir parmi ces servants de Dieu, et de savoir que, si l'on me traitait comme je le méritais, on aurait pu me souffrir. Je ne vous ai, mes filles, rapporté si haut long cet honneur que l'on rendit à la Sainte Vierge, qu'afin que vous en remerciez notre Seigneur, et le priez de voir rendre cette fondation utile à son service, car, pour moi, je vous avoue que je ne suis jamais si contente, que lorsque ces établissements se font après beaucoup de persécutions et de travaux, et que ce sont ceux que je vous raconte plus volontiers. Il est vrai néanmoins que ces bonnes filles qui étaient dans cette maison, ont extrêmement souffert, durant les 5 ou 6 ans qu'il y avait qu'elles s'y étaient enfermées, tant par d'autres travaux que parce que leur pauvreté était si grande, qu'elles avaient beaucoup de peine à gagner de quoi vivre, car elles ne purent jamais se résoudre à demander des aumônes, à cause qu'elles ne croyaient pas devoir le faire. Elles jeûnaient beaucoup, mangeaient peu lorsqu'elles ne jeûnaient pas, étaient fort mal couchées et logées fort étroitement, mais leur principale peine venait, à ce qu'elles me dirent, de leur extrême désir de se voir revêtues de ce saint habit. Elles ne pensaient, jour et nuit, à autre chose, tant elles appréhendaient de ne l'avoir point. C'était le sujet de leur prière. Elles demandaient sans cesse à Dieu, en pleurant dans sa présence, de vouloir leur faire cette grâce, et, dans l'extrême affliction que leur donnaient les obstacles qui s'y rencontraient, elles redoublaient leur pénitence, et retranchaient de leur nourriture pour épargner sur ce qu'elles gagnaient du travail de leurs mains, afin d'avoir moyen de m'envoyer des messagers, et donner quelque chose à ceux qui pouvaient les assister dans leurs desseins. Après avoir communiqué avec elles, et reconnu leur sainteté, je n'ai pu douter que leur réception dans notre ordre ne fût un effet de leurs oraisons et de leurs larmes. Ainsi je crois avoir rencontré en 16 ans un beaucoup plus riche trésor que si elles avaient un grand revenu, et j'espère que cela ira toujours en augmentant. Lorsque nous entrâmes dans la maison, ces bonnes filles nous reçurent avec les mêmes habits qu'elles y avaient apportés, parce qu'elles n'avaient point voulu prendre celui des dévotes que l'on nomme béates, à cause qu'elles espéraient toujours que Dieu leur ferait la grâce de recevoir le nôtre. Le leur était fort honnête, quoiqu'il fût facile d'y remarquer le peu de soin qu'elles avaient de leur personne. Et il ne fallait point de meilleure preuve de l'austérité de leur vie et de leur pénitence que les marques qui en paraissaient sur leur visage l'abondance de larmes qu'elles répandirent en nous voyant, et qu'il était facile de juger n'être pas feinte, faisaient connaître leur joie, et cette joie, jointe à leur humilité, à leur obéissance pour la prière, et à ce qu'il n'y avait rien qu'elles ne fissent pour nous contenter, étaient des témoignages de leur vertu. Leur seule appréhension était que leur pauvreté et la petitesse de leur maison ne nous portassent à nous en retourner. Nulle d'elles n'avait jamais commandé. Chacune travaillait avec grande humilité à ce dont elle était capable. Deux des plus âgées traitaient de leurs affaires lorsqu'il en était besoin. Et les autres ne parlaient ni ne voulaient parler à personne. Il n'y avait point de serrure à leur porte, mais seulement un verrou, et la plus ancienne, qui rendait les réponses, était la seule qui osa s'en approcher. Elles dormaient fort peu, afin d'avoir assez de temps pour travailler à gagner leur vie, et pour prier, car elles y employaient plusieurs heures, et les journées entières aux jours de fête. Les ouvrages du père Louis de Grenade et du père Pierre d'Alcantara étaient les livres d'où elles tiraient les règles de leur conduite. Elles s'occupaient la plupart du temps à réciter l'office divin, qu'elle lisait le mieux qu'elle pouvait, n'y en ayant qu'une seule qui sut bien lire. Leur bréviaire n'était pas semblable, et quelques-uns, qui étaient du vieux style romain, leur avaient été donnés par des prêtres qui ne pouvaient plus s'en servir. Comme à peine elles savaient lire, elles y employaient beaucoup de temps, et le récitaient dans un lieu d'où ceux du dehors ne pouvaient les entendre. Il y a sujet de croire qu'elles y faisaient plusieurs fautes, mais je ne doute point que Dieu, qui connaissait leur bonne intention, ne les excusa. Lorsque le père Antoine de Jésus commença de communiquer avec elles, il fit qu'elles ne récitèrent plus que l'office de la Sainte Vierge. Elles avaient un four où elles faisaient cuire leur pain, et se conduisaient en toutes choses avec autant de régularité que si elles eussent une supérieure. Plus je conversais avec elles, plus je louais Dieu des grâces qu'il leur faisait, et me réjouissait d'être venu, n'y ayant point de travaux que je ne voulusse souffrir pour consoler de telles âmes. Celles de mes compagnes destinées pour demeurer avec elles me dirent qu'elles avaient eu quelques peines durant les premiers jours, mais qu'ayant connu leur vertu, elles avaient conçu tant d'affection pour elles, qu'elles demeuraient avec joie. Et l'on voit par cet exemple quel est le pouvoir de la sainteté. Il est vrai que ces religieuses étaient elles, que quand cela leur eût été fort pénible, elles n'auraient pas laissé de s'y engager volontiers avec l'assistance de notre Seigneur, par le désir qu'elles ont de souffrir pour son service. Celles qui ne sentent pas être dans ces dispositions, ne doivent point se croire de véritables carmélites, puisque ce n'est pas le repos, mais la souffrance, que nous sommes obligés de rechercher, afin d'imiter en quelque chose notre divin époux. Je le prie de vouloir, par son infinie bonté, nous en faire la grâce. Je dois maintenant vous dire, mes sœurs, quel a été le commencement de cet ermitage de Sainte-Anne. Un prêtre fort vertueux et fort recueilli, nommé Jacques de Guadalajara, natif de Zamore, et qui avait été religieux de Notre-Dame du Mont-Carmel, ayant une dévotion toute particulière pour la glorieuse Sainte-Anne, fit bâtir en ce lieu un ermitage tout proche de sa maison, d'où il pouvait entendre la messe. L'ardeur de son zèle lui fit entreprendre le voyage de Rome, et il en rapporta des bulles avec de grandes indulgences pour cette chapelle. En mourant, il ordonna par son testament que cette maison et tout son bien seraient employés pour fonder un monastère de religieuses de Notre-Dame du Mont-Carmel, et que si cela ne pouvait s'exécuter, il y aurait un chapelain qui dirait quelques messes toutes les semaines, mais que cette obligation cesserait aussitôt qu'il y aurait un monastère fondé. Ces lieux demeurèrent ainsi entre les mains d'un chapelain durant 20 ans, pendant lesquels le bien diminua beaucoup, et cette demoiselle ne jouissait que de la maison, car le chapelain, qui demeure dans un autre lieu dépendant de la même chapelle, ne veut pas la leur céder, ainsi que ce qui reste du bien. Néanmoins, la bonté de notre Seigneur est si grande, qu'elle n'abandonnera pas la maison de sa glorieuse aïeule. Plaise à sa divine majesté qu'il y soit toujours servi, et que toutes ses créatures ne cessent jamais de lui donner les louanges qui lui sont dues. Ainsi soit-il. Fondation du monastère des Carmélites de Palence. Marquemdanarchive.org, d'après, abbaye-saint-benoît.ch, Thérèse d'Avila Fondation PDF, licence Creative Commons CC 3.0F. Pas d'usage commercial, partage à l'identique.